33. Les trains d'atterrissage. Safran landing systems est messier Bugatti Doughty est aujourd'hui le leader mondial de systèmes d'atterrissage et de freinage aéronautiques. Les origins de cet activite remontent en 1920 avec Georges Messier, pionnier de suspensions pneumatiques dont nous parlions à propos de la voiture exposée à côté. Georges Messier crée la Société Messier Automobile avant de produire également du matériel d'aviation. Parmi les innovations les plus notables mises au point par Safran landing systems Messier, Bugatti Doughty, citons l'introduction de l'échure à très haute résistance dans les années 50 et l'utilisation du carbone en remplacement de l'échure pour les freins, dans les années 80. Devant vous y trouvent les trains d'atterrissage de quatre avions de transport commercial. Renoms. De gauche à droite, on trouve les trains de la Caravelle / du Concorde / de l'Airbus. A300 / et enfin, de l'Airbus A320. Vous arrivez au terme de ces parcours. Mais avant de quitter le hangar aéronautique, prenez un peu de hauteur en montant sur la mezzanine, vous vivrez de drones, et tout un ensemble de maquettes d'avions motorisés par Safran. Vous pourrez aussi jouer les pilotes de chasse. Prenez place à bord du Mirage. Nous espérons que vous avez apprécié votre visite. Merci, et à bientôt.